Et on va passer à la boîte à questions du coup. Donc je vais prendre ça. Et est-ce que quelqu'un a envie de tirer une question de la boîte, monsieur? Tiens, bah tu vas même la lire. Donc la question c'est, à l'occasion du mondial de l'automobile, quelle est notre position par rapport à la voiture? Très intéressant comme question. Est-ce que vous voulez commencer? Vous à répondre. En tant que... Ouais. Le but c'est ça en fait. Il y a une question qui a été posée. Ben, je pense que c'est un peu clair. On est pour des transports... comment on appelle ça? Oui, des transports en commun, le vélo et la réduction au maximum des déplacements dans le milieu urbain avec des engins polluants. Bien évidemment, après, ça c'est une très très très grande discussion parce que d'un jour ou l'autre, voilà, c'est très difficile de couper tout le mouvement de voitures dans des villes. Donc voilà, mais dans le cas des villes en transition, l'idée c'est voilà de au maximum. Donc voilà, pour les gens qui passent, en fait là c'est la boîte à questions de Debout Éducation Populaire. Et la question qui a été posée par quelqu'un qui est passé, qui a voilà, il a pris un bout de papier, il a écrit une question et elle a été tirée. Et c'est, à l'occasion du mondial de l'automobile, quelle est notre position par rapport à la voiture? Donc voilà, cette question s'adresse à tout le monde et tout le monde peut répondre. En ce moment, j'ai l'impression que c'est la mode au salon de l'automobile pour la voiture électrique. Enfin, que c'est en pleine expansion. Et personnellement, je parle en mon nom, hein, je suis absolument contre la voiture électrique. Parce que c'est faire perdurer le nucléaire, c'est faire perdurer l'idée de la voiture et du véhicule individuel, c'est faire perdurer l'idée des autoroutes enfin, qui sillonnent la France. Et donc contre, opposition radicale. Déjà, la voiture normale, c'est opposition. Mais la voiture électrique, c'est vraiment, vraiment une fausse solution, quoi. En fait, le souci, c'est que ça prend le problème et ça le déplace autre part. Parce que pour produire ces voitures, il y a eu récemment un article qui montrait que ça nécessite beaucoup plus d'énergie pour produire cette voiture, plus les déchets, la batterie de la voiture, voilà, on la fait quoi? Et où on produit l'énergie pour alimenter la voiture, l'électricité, c'est de nouveau du nucléaire. Le nucléaire, ben, il est extrait au pays du tiers-monde, plus toutes les premières matières nécessaires pour construire la machine dans cette voiture. Donc, bon, je suis complètement d'accord avec Gaël, c'est une fausse solution et en fait, ça relance juste... la consommation, donc il faut acheter une nouvelle voiture électrique, et qu'est-ce qu'on fait avec l'ancienne? Donc voilà, ça fait juste perdurer le problème. Merci. Donc, à toi. Ouais, c'est vrai, quand on parle de voiture électrique, bah du coup, il faut revenir à la base, c'est comment on fait l'électricité, tout simplement. Et je suis pas sûr que faire de l'électricité, ça soit très écologique. Après... Les voitures électriques, moi, c'est une question, alors je ne sais pas si vous avez une réponse ou pas, parce que forcément, si on dit, bon, pas de voiture, en gros, c'est, entre guillemets, un développement des transports, avec un espèce de biocarburant. Alors moi, je n'ai pas d'infos sur le biocarburant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, là, sur enfin, ce qu'on voit, les pubs, là, sur les bus. Mais après, effectivement, le développement des transports, on voit qu'il y a des grandes villes européennes qui développent les transports, qui... Comment dire, qui même organisent leur métro pour que les gens mettent leur vélo dedans, qui font des pistes cyclables plus grandes, les trams, je sais pas si ça marche à l'électricité, mais bref. Donc c'est vrai que des alternatives commencent à pousser, mais en fait finalement je sais pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis les voitures électriques c'est super moche aussi. Voilà, bref. Merci, donc à toi. Alors sur la voiture électrique, moi je suis plutôt pour la voiture électrique parce que c'est quand même un moindre mal, dans la mesure où je pense que tout le monde aura toujours une bagnole. Quoi, je comprends, l'idéal ce serait que les gens n'aient plus de voiture, mais je suis pas sûr qu'on arrive à convaincre les 50 millions ou je sais pas combien de gens qui ont des voitures. Donc moi je pense quand même c'est ce serait quand même une meilleure solution, notamment sur la pollution de l'air, parce qu'il n'y a pas de solution. Et surtout sur sa pollution de l'air, voire CO2 si c'est de l'énergie renouvelable, mais ce serait quand même un moindre mal, hein, et si on arrivait à le faire, ce serait quand même pas mal. Bon, après c'est un débat, hein, chacun a son avis. Sur les biocarburants, ce que je peux dire, bon, moi je connais un peu les problématiques. Le problème de biocarburant, c'est que si c'est du biocarburant agricole, tu sais, qui est fait à partir de maïs ou de colza, etc., il y a un problème et ça va être plus ou moins abandonné parce que en fait tu bouffes des terres agricoles et c'est complètement con. En tout cas aujourd'hui, le consensus c'est plutôt de dire quoi, faire du carburant avec de la bouffe, c'est un peu con. Donc c'est plutôt descendant dans les filières en fait alternatives. T'as une filière alternative qui existe, qui est travaillée sur des biocarburants à partir de matériaux non comestibles, mais qui est pas encore au point et qui est chère, etc. Donc je sais pas où ils en sont, tu es avec du bois, avec des trucs, voilà. Mais t'auras toujours un problème de pollution de l'air. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que si tu gardes le biocarburant, bah, tu auras toujours des CO2, quoi, des poussières, des NOx, etc., etc. Voilà. Donc moi, voilà. Et sinon, non, moi j'avais une proposition sur les transports pour limiter la voiture. C'est un truc dont on parle pas du tout. C'est le télétravail. C'est-à-dire que c'est un truc qui se développe. Moi, dans ma boîte, je fais du télétravail avec mes collaborateurs et les mecs, ils sont à la maison, etc. Mais c'est démentiel le télétravail. C'est-à-dire que les gens ils économisent une heure de transport par jour. Après bon, il faut apprendre à travailler en télétravail, ça marche très très bien, hein. Mais si t'as 20% des gens de la région Île-de-France qui font du télétravail, t'as 20% de transport en moins, de CO2, de machin, etc. Quoi, je trouve que c'est une solution à creuser, quoi. Je voulais laisser seulement une seconde parce que je suis un écologiste. Je suis un écologiste convaincu. Nous sommes les alliés de la décroissance conviviale. Voilà. Donc, je viens de publier dans YouTube une vidéo qui s'appelle La transition économique. Deux points. Du produit intérieur brut au bonheur intérieur brut. Vous avez tout ça dans YouTube. Notez bien. Transition économique. Deux points. Du produit intérieur brut au bonheur intérieur brut. Donc ça intègre toutes ces dimensions écologiques majeures, intégrant les dimensions des droits de tout ce qui concerne la croissance économique illimitée qui nous cause des problèmes, des impacts généraux que vous connaissez. Bon, vous avez tout ça à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire un truc parce que vous, voilà. Bon, pour moi, c'était un peu inopportuné de voilà. Donc, je vous laisse à quelqu'un qui pourra partager ça. Ça s'appelle la transition écologique et économique. Deux points dans YouTube, hein. Du produit intérieur brut au bonheur intérieur brut. Voilà. Donc, c'est une forme d'alternative positive. Merci beaucoup. Merci à vous, on va laisser ça là et puis les gens qui voudront en savoir plus viendront prendre des notes. C'était à toi, après c'est à toi. Je voulais déjà répondre au monsieur là qui a la casquette. Tout à l'heure il a parfaitement résumé pour ce qui est de l'écologie. C'est une question surtout d'éducation, voilà, tout simplement. Éduquer les gens pour qu'ils prennent conscience de l'écologie. Voilà, mais c'est un gros travail, mais on va y arriver, ça c'est sûr et certain. Deuxièmement, pour l'automobile, disons que il y a 40 ans, l'homme allait sur la Lune et il y avait la Jeep lunaire qui était rechargée en direct par les batteries. Le soleil rechargeait les batteries solaires et la voiture fonctionnait sans arrêt. Ces voitures circulent actuellement, elles peuvent circuler. Et actuellement en Suède, elles sont expérimentées une route, un goudron. Et la voiture, elle roule dessus et le goudron, il y a des cellules photoélectriques qui rechargent les batteries au fur et à mesure que la voiture roule. C'est le goudron de l'avenir et il n'y aura pas de déchets, rien du tout. Ça sera totalement écologique. On va y arriver. Bon, moi je fais confiance à la science. Pour ce qui est de l'automobile, moi je crois que la science va trouver des solutions. Les plus gros problèmes quand même, c'est l'énergie pour nous chauffer, c'est l'énergie, voilà. Bon, bonjour, je suis Ulysse, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ciao. Bon, alors, moi, j'ai l'impression qu'il faut approcher les problèmes de façon un peu plus globale et plus précise, parce que si on ne fait pas des tableaux de comparaison, on peut difficilement prendre, assumer un point de vue. Voilà. Si on reste trop dans c'est bien, c'est pas bien, c'est moins bien, etc., c'est pas ça qui suffit. Il faut vraiment mettre une voiture électrique à côté d'une voiture traditionnelle, disons, et voir les avantages et les désavantages de l'une et de l'autre. Bon. À part cela, il y a l'aspect vitesse, qui à mon avis est fondamental, puisque la vitesse caractérise notre époque, et encore plus l'époque du siècle précédent. Et la vitesse est à l'origine de beaucoup de malheurs, énormément, surtout intellectuels et politiques, etc. Tout est beaucoup dans la vitesse. Hein. Donc, en réduisant déjà la vitesse, c'est un grand pas en avant. Que soit l'électrique ou que soit le pétrole ou autre chose, la vitesse, j'appelle la vitesse du vol. La vitesse se divole, comme on dit la propriété se divole, la vitesse c'est encore plus des vols, parce qu'on vole l'énergie sur l'avenir. Pour avoir la vitesse, il faut consommer plus d'énergie. Et on prend cette énergie sur les stocks de l'avenir. Donc on la prend sur nos enfants. C'est effectivement une attitude très très mauvaise. Mais réduire la vitesse n'est pas très difficile. Moi je trouve que Chirac n'a pas fait grand chose, mais je crois qu'il est intervenu positivement dans les problèmes de la vitesse sur les routes, et les résultats, les morts ont baissé de nombre. C'est incroyable. Disons, des 15 000, je crois qu'on a passé autour des 3 000, 3 500, etc. Donc, ça fait déjà une économie de carburant, ça fait une économie de morts, ça fait moins de stress et tout. Une ville où on roule à 30 au lieu que 40 et 50, c'est très tranquille. Et en plus, il y a l'autre aspect, il y a les bruits, il y a la sonorité, la pollution sonore est horrible, horrible, elle est sans contrôle. C'est un mépris total vers les piétons, vers les passants, vers tout le monde. Et les scooters et tout ça, c'est pas contrôlé, tout ça, c'est passé à côté. Et chaque fois, ce sont les lobbies qui interviennent. Donc, l'écologie, elle doit, à mon avis, prendre tout ça dans son ensemble et essayer, comme l'exemple de la vitesse, d'aller au fondement, au fondement des choses, les problèmes fondamentaux et rectifier. Parce que là, comme le disait, tu t'appelles comment, excuse-moi, Bruno, comme disait Bruno, c'est une question d'éducation. Mais moi, je crois que écologie, économie et éducation, c'est pas seulement parce qu'ils commencent par E, mais on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier, ce serait une erreur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle aux gens que là, on est sur la boîte à questions. Et la question qui nous a été posée, c'est à l'occasion du mondial de l'automobile, quelle est notre position par rapport à la voiture? Voilà, donc vous pouvez tous participer. N'hésitez pas à vous rapprocher et à dire ce que vous en pensez. Ben, en fait, depuis tout à l'heure, on parle des alternatives aux véhicules à essence, comme la voiture électrique, la voiture au biocarburant, la voiture... avec alimenté par induction solaire. C'est un peu bête parce qu'en fait, tout véhicule construit est un déchet. Hein? Auparavant, quand on construisait une voiture avec du bon acier, avec un moteur conçu pour durer, on pouvait garder sa voiture 25, 30 ans. Aujourd'hui, elles sont conçues pour être beaucoup plus... On était déjà emmerdés au stockage. Hein? Tout le monde a dans la tête la décharge, la casse automobile avec ces énormes montagnes de voitures compactées. On oublie de nous montrer généralement les montagnes de pneus qui vont avec. Et aujourd'hui, que ces voitures sont construites de manière beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus rationnelle, puisqu'on est dans une industrie beaucoup plus rationnelle, elles sont conçues pour avoir une durée de vie plus réduite. Elles sont construites dans des matériaux synthétiques, c'est-à-dire qu'on peut même plus, contrairement à avant, recycler l'acier pour en faire autre chose. Et on reste toujours avec ces montagnes de pneus et ces carcasses de voitures. Donc, tant qu'on construira des véhicules individuels, on ne fera que polluer plus et activement. Et c'est terrible à dire ce que je vais dire, mais chaque personne qui utilise son véhicule individuel contribue activement à détruire son environnement et à polluer. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question qui est à l'occasion du mondial de l'automobile, quelle est votre position par rapport à la voiture? Voilà, est-ce que quelqu'un... Tu veux... Non? Si? Allez, sauve-moi s'il te plaît. Non, c'était juste, en fait, je me demandais, l'autre fois, j'ai vu ça, quoi. J'ai pas envie de dire la télé. Oui, ça m'arrive d'apercevoir la télé. Et du coup, je me demandais tout simplement s'il y a eu des, ça arrive qu'il y a des actions ou pas au salon de l'auto de groupes écolo ou pas. Enfin, parce que je me disais que ça serait une bonne idée, en fait, tout simplement, d'aller faire chier là-bas. Moi, je suis pas au courant. On peut demander à la commission écolo. Ben, on n'est pas au courant de telle action, mais c'est une très bonne idée pour le prochain salon. Une petite touche humoristique, en fait, c'est pas une action, mais apparemment, il y a un stand, il y avait un stand vélo électrique au salon de l'automobile. Il faut écouter le petit 5 minutes de Guillaume Maurice fait. Il a été au salon de l'automobile et c'est assez marrant. Ok, merci. Alors, juste Seb, il y a une action avec nos grands amis de Total à Pau. Je ne sais plus si c'était cette année ou c'était l'année dernière. Non, c'est pas au courant. Et l'action qu'il y a eu sur le congrès, la Total, la de pétrole, là, oui. Donc, mais c'est pas, voilà, c'est pas la voiture, mais il y a quand même une action. Et du coup, pour les voitures, effectivement, Ulysse, tu l'as dit un peu, ça va être compliqué de changer les mentalités. Et effectivement, prendre son temps, et tu as 100% d'accord. J'ai 100% d'accord. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, en fait, on te vend des voitures qui peuvent aller à 160, 170, alors que t'en as pas besoin. Alors que tu peux même pas l'utiliser à telle vitesse. Alors maintenant, ils te vendent des trucs pour limiter ta vitesse, mais c'est complètement stupide. Enfin, même la Formule 1, moi, j'ai jamais compris. Hein, la Formule 1, moi, ça me fait dormir. Il y a des voitures qui font des tours et puis ils se dépassent même pas. Alors, il y a des fans, hein, mais moi, je comprends pas tout ça. Alors, on nous dit que c'est la technologie de demain pour les voitures. Donc, le demain pour les voitures, c'est un petit peu flippant si c'est de la Formule 1. Mais, ouais, salut, toi, tiens, ça fait longtemps. Il y a déjà tout ça. Bah ouais. L'électrique. Ouais, bah oui, l'électricité, mais finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas si bien que ça, l'électricité. Donc, après, c'est de toute manière, ça serait si on met les rues entre guillemets piétonnières les unes après les autres, forcément, ça va faire gueuler les gens pendant un certain temps. Mais après, ça, on utilisera moins de voitures. Donc, je sais pas, ça peut être aussi une solution. Mais en tout cas, voilà, les voitures, moi, je suis, c'est pas un concept que j'aime de trop. Ouais, le pire, c'est surtout la voiture individuelle, quand même. Donc là, je rappelle aux gens qui viennent d'arriver, la question, c'est à l'occasion du mondial de l'automobile. Quelle est notre position par rapport à la voiture? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la voiture individuelle, la voiture collective, blablacar, etc., etc. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Ou sinon, on passe à la question suivante, tout simplement. Non, ça n'intéresse personne. Non, mais on va passer à la question suivante. Bon, est-ce que quelqu'un veut piocher la question? Tu veux? Vas-y. Et tu la lis en même temps comme ça. Bon, t'as de la chance, il n'y en a qu'une. J'avoue, il n'y en a qu'une, donc bon. Comment convaincre les gens d'abandonner une voiture? D'abandonner la voiture. Alors, comment convaincre les gens d'abandonner la voiture? Bah écoutez, là, tu veux répondre? Déjà, c'est marrant parce qu'il y a deux personnes qui m'ont demandé à part de poser des questions, ils ont posé la même question. C'est drôle. Moi, en fait, je me suis séparé de ma voiture il y a 2-3 ans, un truc comme ça, parce que j'étais à Paris et j'en avais marre, ça servait à rien en fait. Et voilà, ceux qui hésitent, et moi, c'est juste comment donner envie, je sais pas, mais ceux qui hésitent, n'hésitez pas parce que j'ai gagné, je sais pas combien par mois, j'ai gagné d'assurance, j'ai gagné d'essence, en fait, déjà, j'ai gagné beaucoup d'argent, donc si c'est que l'argent qui peut vous aider à le faire, faites-le. Et en plus de ça, non, mais c'est un premier pas, tu vois. Et en tout cas, à l'époque où je l'ai fait, c'est vrai que ça m'a aidé financièrement. Et en plus de ça, après, je m'en sors que mieux. Il y a des, voilà, il y a des changements, tu prends des transports pour le week-end et tout, c'est peut-être un peu moins facile et tout pour aller en banlieue, tout ça, mais tu t'arranges toujours, ça fait toujours. T'es toujours plus gagnant, je pense, que d'avoir une voiture pour toi tout seul, en tout cas. Ouais, ouais, bon, là, c'est pas évident. En même temps, on pose la question à des Parisiens, des gens d'Île-de-France. Donc, c'est pour les Parisiens, c'est vrai que la question, on peut prendre les transports et tout, mais ceux qui habitent à la campagne, la question de la voiture est totalement différente. Alors, justement, c'est moi, je vais aller du coup sur le sujet du temps des transports. Je me rappelle d'une discussion sur cette place où, en fait, pour un sans-abri, en fait, faire 45 minutes de marche ou une heure de marche à pied pour aller d'un endroit à un autre dans Paris, c'est-à-dire pas prendre les métros ni le bus, c'était rien, en fait. Et pour les personnes qui étaient à côté de lui, c'était genre un truc mais exceptionnel, quoi. C'est genre, tu prends pas le métro pour aller à tel endroit, quoi. Et donc, c'est... Et tout de suite, en fait, il y a une espèce d'humilité qui revient. Vous redescendez un petit peu de votre piédestal. Et en fait, vous dites, peut-être finalement, une heure à pied, en fait, c'est pas grand-chose. Et en fait, c'est encore une fois, c'est parce qu'on a été conditionné, entre guillemets, toute notre vie. En étant banlieusard, on prend notre RER, on va sur Paris. Donc, on se prend déjà, en moyenne, 20, une demi-heure, voire plus, voire trois quarts d'heure pour ceux qui sont un peu plus loin parce que... Ils peuvent pas faire autrement que d'être dans le fin fond de l'Île-de-France. Et quand vous êtes en province, c'est pareil. Quand vous dites moi j'ai une heure pour aller bosser, les gens ils vous regardent, mais c'est quoi ce bordel, une heure? Et pour eux, une heure c'est un truc de fou, alors que nous finalement une heure c'est un peu la moyenne qu'on met matin et soir pour aller travailler en région parisienne. Et c'est vrai que c'est encore un conditionnement qu'on a, en fait. C'est des espèces de barrières qu'on se met. Moi j'ai pas de voiture. J'arrive à m'en sortir, mais après ça vous forge une espèce de patience. Voilà, vous êtes patient. Quand il y a des grèves dans les transports, vous gueulez pas, parce qu'en fait ça sert à rien de gueuler, ça fera pas venir le train plus tôt. Justement, c'est cool, vous pouvez discuter avec les gens qui sont autour de vous, vous pouvez fraterniser autour de discussions un petit peu improbables. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est rigolo. Et puis voilà, et puis on rentre une heure plus tard, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas regarder le journal de 20h, c'est pas grave, honnêtement, vu ce qu'il y a dedans, faut mieux être avec des gens, et puis on mangera une heure plus tard, c'est pas grave, et puis si votre patron il vous engueule le lendemain matin, tant pis pour lui, et puis voilà. Pour moi, c'est vraiment il faut se reconditionner complètement, et une vie sans voiture est possible. Déconditionner. Ouais, excuse-moi, mais j'ai un peu de mal, Charal. Ah, mais toi, tu parles avec les gens dans les transports, carrément. Non, je rigole. Tu voulais réagir. Pour abandonner la voiture, on en revient à un sujet qui a été abordé tout cet après-midi, c'est revoir le mode de fonctionnement de notre société. Pour les gens de province qui habitent à la campagne ou dans des petites villes, ils ont besoin d'une voiture pour aller travailler, pour aller faire leurs courses au supermarché. Et pourquoi pas revoir la société en réimplantant le travail et les lieux d'activité à proximité, et remettre les commerces de proximité plutôt que les supermarchés qui finalement ont été conçus pour que les gens achètent une voiture. Non, très intéressant. En fait, moi, quand j'ai dit ça, c'est parce que la question se voit vraiment différemment, en fait, et tu viens de le montrer. C'est pour nous, on va tout de suite dire on prend les transports en commun, et à la campagne, c'est vraiment, faut tout revoir différemment. Donc c'était à toi. Juste une petite observation, justement, quand on demande aux gens s'ils peuvent ne pas prendre la voiture, ils disent « j'en ai besoin pour aller bosser », alors il faut supprimer le boulot, puis voilà, il n'y a plus de problème. Une bonne petite idée radicale comme on aime. La question, c'est comment convaincre. Alors comment convaincre, je pense qu'il ne faut pas d'abord forcer les gens à... l'idée, par exemple, qu'on peut plus aller sur les quais avec les voitures à Paris. Il y a des trucs qui sont faits, mais en fait, qui mettent les gens, ou interdire les voitures de 97, tout ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, parce que c'est antisocial, quoi. Pour les pauvres, ça touche que les pauvres, en fait. Donc moi, je pense que ça, c'est pas la bonne méthode. Moi, je pense qu'il faut aller, comme ça vient d'être dit, sur un changement de modèle de société. On est dans une société où on est, entre guillemets, sous l'esclavage du salariat. On est obligé de travailler pour vivre. Donc déjà, si on sortait du salariat, et si on avait par exemple un revenu de base, y a beaucoup de gens déjà qui laisseraient tomber leur bagnole. Ensuite, il y a l'idée de... Le problème, est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est la pollution de la voiture? Si on a une voiture qui ne pollue pas, pour moi, la voiture ne pose plus de problème. Donc il y a aussi la question de l'énergie. Et puis aussi la question de la nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, donc il faut leur proposer des solutions qui, pour eux, soient meilleures que de prendre leur voiture. Et puis, enfin, il y a toute la question de la publicité. tout ce qui est publicité sur la voiture, etc., qu'il faut complètement, comme la cigarette, quoi. Il faut arrêter la pub pour la, entre guillemets, pour la voiture. Oui, je pense au problème évoqué de la campagne. Il suffirait, à mon avis, de revenir un peu en arrière. À Paris, on l'a fait puisque on a repris les tramways. Et si on pense à ce qu'on a détruit avant de reconstruire, c'est impressionnant. Donc là, il y a vraiment une éducation à faire de la société, disons, hein, de tous les responsables. En voyageant en train, j'ai rencontré un autre fonctionnaire des chemins de fer. On a bavardé parce que le voyage était long, longuement, et j'avais demandé qu'est-ce qu'on devenait les lignes des banlieues, certaines lignes des banlieues. Et il m'a dit qu'ils avaient réactivé des lignes, réactivé des points d'arrivée, et que les problèmes n'étaient pas les voyageurs. Ils avaient prévu remplissage à 20 ou 30%, ils étaient à 80%. Et les problèmes, c'était plutôt que pour arriver à Paris, toutes les petites gares ont été déjà détruites. Et on continue à faire des bêtises aussi grandes, disons énormes. Et à la campagne, je ne sais pas si vous arrivez, mais quand vous traversez la campagne française, souvent vous croisez des vieilles lignes ferroviaires, complètement abandonnées. Et encore, ils font du pédalo dessus avec le système pour avancer, ça fait du tourisme. Mais c'est incroyable comme la repopulation de la campagne va être faite par la réactivation de certaines lignes. Et en plus de cela, ça donnerait du travail. Mais c'est quelque chose qui contrarie, disons, les systèmes. Les systèmes préfèrent aller là où ils veulent plutôt qu'aller là où ils devraient aller. Et c'est un changement de fond. L'écologie, si elle est bien appliquée sur l'ensemble des systèmes, peut faire changer les choses. Je me permets de faire la petite déviation sur les déchets. Les déchets, par exemple, évoqués pour la voiture, mais les déchets sont dus à un système de distribution absurde. Puisque si on était dans le système normal, avec l'épicerie du coin, qui vous sert en vrac, les déchets seraient divisés par 10. Et la fabrication des emballages tomberait, parce que c'est là aussi les gros déchets. Et pour la voiture, les déchets de la voiture, c'est aussi la standardisation. L'effet de changer des modèles, de changer des pièces, de faire la course à la modernité, empêche de stabiliser la chose, qu'on pourrait contrôler plus facilement, avoir des modèles standards, etc. Voilà. Merci. Merci pour ton intervention. Il n'y a pas quelqu'un d'autre avant ? Non ? Si, si. Oui, c'est très bien, mais nous sommes ici surtout pour parler d'écologie, mais c'est l'échelle mondiale qu'il faut voir ça. Par exemple, actuellement en France, avoir une voiture, c'est un signe extérieur de richesse, c'est une mentalité. Malheureusement, avoir une voiture, c'est avoir, comme on dit, réussi dans la vie, c'est ça. C'est encore cette mentalité qu'il faut... c'est ça, comme avoir une Rolex, bon, bref. Et en fait, il y a aussi en Inde, par exemple, des milliers de gens en Inde rêvent d'avoir leur voiture. Quand j'étais dernièrement à Calcutta, dans mon boulot, quand le gars m'a demandé, il était pieds nus, « T'as une voiture ?» Je dis « Ben oui, j'ai une voiture. » Et il m'a regardé avec des yeux, « Ah bon ?» Mais ils en rêvent. Ce qu'il faut, c'est avoir une voiture. C'est l'avenir, c'est une voiture électrique, une voiture qui ne pollue pas. On ne pourra jamais empêcher les gens de vouloir se déplacer. C'est pas possible. Il faudrait une voiture écologique, une voiture, et je crois que la science trouvera un jour. Ben, si c'est recyclable. Hein. Oui, il y avait un truc, c'est vraiment bateau, mais il y avait un truc tout bête avec la voiture. C'est un ami en fait qui me faisait cette réflexion. D'ailleurs, il prend les transports aujourd'hui pour aller travailler en banlieue. Il est dans le 77 et il travaille sur Paris. Et en fait, c'est une réflexion toute bête, c'est que il suffit d'aller dans les bouchons le matin pour voir qu'en fait, quasiment toutes les voitures, il y a une personne dedans. Et du coup, en fait, on occupe 15 mètres de large pour sur des kilomètres et des kilomètres de long pour une personne tous les 6 mètres. Enfin, il suffit juste d'observer ça, c'est vraiment ridicule, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment tourner ça à la dérision, quoi. Voilà. Après, ça, alors, je suis désolé, je reviens sur Notre-Dame-des-Landes parce qu'en fait, j'ai eu une info tout à l'heure qui m'avait échappé. J'avais entendu en fait que il y avait le par rapport au contrat avec Vinci, qu'apparemment, du coup, ils avaient fait un contrat sur 55 ans pour récupérer donc toutes les taxes et tout ça derrière, enfin tout ce qu'on paye dans les aéroports, tout ça. Donc voilà, enfin juste pour info. Donc non seulement on va payer les travaux et c'est Vinci qui va toucher les bénéfices. Voilà. C'est juste une petite parenthèse. Ouais, donc argument pour ne pas acheter une voiture déjà. Ok, merci. Oui, c'était la question. Je crois que c'était une nouvelle question en fait, donc tu m'as perturbé. Déjà, c'est un puissant fond une voiture. Hein. Pour ceux qui en ont eu, c'est pas un investissement. Enfin, vous en achetez une, après elle tombe en panne. Surtout celles qui font maintenant, on l'a dit tout à l'heure, elles sont beaucoup moins bien fabriquées qu'avant. Donc déjà, ça il y a un argument financier. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont contré un peu ça, parce que maintenant, quand vous voyez une pub de voiture, en fait, ils vous disent c'est genre 399 € par mois. Parce que maintenant, ils font une espèce de leasing, et c'est le truc à la mode, vous l'avez même partout pour des télés, etc. C'est que vous êtes même plus propriétaire de la télé, en fait, vous louez, et régulièrement, en fait, à la fin, soit vous les achetez, soit vous avez un nouveau modèle, quoi. Et ça, c'est le capitalisme dans sa grande puissance, puisque, en fait, c'est consommation, et ça permet de recréer des autres voitures derrière. Mais après oui, les voitures, de toute façon c'est un peu l'hypocrisie depuis un certain temps. Pendant un moment on nous disait le diesel c'est génial, il y a l'année dernière on nous disait finalement le diesel c'est pas génial. On apprend que les constructeurs trafiquent et mettent des tests, je sais pas quoi. Ils font tout pour que les voitures soient plus légères, en enlevant notamment les roues de secours, puisque maintenant il n'y a plus de roues de secours, je crois que c'est en option quand vous achetez une voiture. Voilà, donc moi un jour j'aimerais bien qu'il n'y ait plus Dominique Chapat à la télé parce que ça me saoule et ça fait 25 ans qu'il est là et Turbo et toutes ces conneries. Voilà, on arrête, hein, puis on enlève Téléfoot aussi d'ailleurs, allez, on en profite. Et je sais pas, qu'on fasse des trucs beaucoup plus intéressants. Et je vous assure, hein, les transports, tout à l'heure j'en déconnais, mais franchement on peut y arriver. On peut y arriver, mais par contre il faut vraiment changer les modalités. Voilà, question. Réponse. Alors, en fait, je ne sais pas si on a d'autres questions. Donc, est-ce que vous avez une question à nous poser comme ça? Ah, oula, bonjour. En rapport avec l'écologie. Non, ouais, c'était juste pour les transports, pour rajouter une petite histoire que j'ai entendue une fois. Quoi. C'est un jeune et un vieux qui discutent. Et puis le jeune il dit mais tu fais comment pour aller à la Mecque? Et le vieux il dit je prends mon chameau et puis je pars à la Mecque. Et il dit j'ai rencontré plein de monde sur le trajet, maintenant je connais plein de monde, c'est sympa et tout, j'aime bien quand je vais à la Mecque et tout. Et le jeune il lui dit mais tu mets combien de temps pour aller à la Mecque? Il dit je mets 6 mois. Et le jeune il lui dit mais te rends compte, moi je prends l'avion, je mets 2 heures pour aller à la Mecque. Et le vieux il lui répond et qu'est-ce que tu fais après pendant les 6 mois? C'est géant. Ça me fait penser aux marcheurs là qui ont marché cet été pendant. Je sais pas combien ils ont fait de kilomètres. Merci. C'est vrai que le rapport au temps, c'est fondamental quoi. Ce que tu soulèves, Khaled. Parce que c'est vrai que là, on est dans une société de la vitesse. Et c'est vrai que si on était dans une société où on aurait une autre représentation du temps, ça changerait tout en fait. On prendrait notre temps et le chemin deviendrait un plaisir. On serait pas dans le but simplement. Ça, je crois que c'est vraiment super important ce que dit Khaled là. Bravo. Moi, alors, en fait, j'ai plus de carte Navigo, donc je peux plus venir de chez moi ici avec ma carte Navigo, donc je prends mon vélo. C'est sympa quand même aussi de venir en vélo, c'est super, je fais du sport. Voilà, je m'aère. C'est sympa aussi le vélo. Hein. Voilà. Bon, là, je pense que vous avez convaincu, déjà convaincu, mais parlez-en autour de vous et arrêtons d'acheter des voitures. En plus, on s'endette, ça coûte trop cher, ces conneries. Tu veux parler? Ok. N'hésitez pas à trouver une autre question après. Hein. Je voulais revenir sur comment abandonner ses voitures. C'est un peu bête hein, ce que je vais dire. On ferme les salles de sport. Comme ça, les gens, au lieu d'aller faire du sport dans une salle, ils marcheront, ils courront un peu plus. Très bien. Donc, il y a le PDG de Moving qui vient de m'appeler, il n'est pas content. Non mais carrément ouais, non mais développer les vélos et ouais il faut. Bah voilà. En fait, on a dérivé de la voiture à un truc, mais limite poétique, quoi, sur le temps. J'aime beaucoup. C'est un truc, et je sais pas si vous avez... Vous n'êtes pas aperçu, mais dans des albums, etc., il y a de plus en plus de chansons sur le temps. Il y en a eu dans le dernier album de Kerry James, pour vous dire. Le mien, il est un peu bizarre, là, ce que je suis en train de faire, mais en fait, c'est en train de tracasser pas mal de personnes et faire réfléchir pas mal de personnes. Et on en parle de plus en plus du temps, que ce soit à l'école, enfin, c'est... Et c'est cette notion, ouais, je vous... On devrait faire un truc sur le temps, un jour. Pas y prendre le temps de faire le temps. Par rapport à la valeur du temps, il y a Sénèque, qui est un des maîtres à penser du stoïcisme en philosophie, qui disait que pour moi, la chose, la plus grande richesse dans la vie qui existe, c'est le temps. Voilà. Le temps de vie que j'ai, c'est pour moi la plus grande richesse. Et donc, dans la société où nous sommes actuellement, qui est une société essentiellement matérialiste, on voit que la valeur est plutôt axée sur les objets, notamment la voiture, qui est un outil de distinction de soi, etc. Et donc, du coup, en actualisant la pensée de Sénèque, en redonnant au temps une valeur sacrée, eh ben, ça peut effectivement aussi nous libérer de ce rapport aux objets. Voilà. Et puis même le temps, pour en revenir à l'écologie, c'est quand même un... Voilà, c'est un truc, la nature, il faut que le temps qu'elle pousse... Enfin, ça se fait pas tout seul. Tu mets pas une plante, ça c'est dans les BD, tu mets une plante et il y a tout qui pousse en deux secondes. Et je pense que c'est important, par exemple, quand vous avez un enfant, je sais pas, vous lui plantez un arbre à la naissance et qu'il va régulièrement voir son arbre pousser. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que lui filer une tablette et qu'il ait des trucs en 10 secondes, une vidéo YouTube avec des trucs à la noix là-dessus. Et je pense que... Alors, je sais pas la notion de temps et d'écologie, s'il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus, mais je trouve que c'est hyper compatible aussi. Puisque la nature, elle, voilà, l'arbre, il pousse, il prend son temps pour pousser. Et il y a même des, je sais pas, des gens en Inde qui sont sous les arbres et qui méditent pendant que l'arbre il pousse. Et non, c'est, on est parti un peu en vrille, mais j'aime beaucoup. Dans son livre magnifique Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss, il part au Brésil, il part en bateau. À cette époque-là, il n'y avait que des bateaux, à cette époque-là. Et dans son livre, à un certain moment, il décrit un coucher de soleil qui est absolument magnifique. Il mettait plusieurs mois pour partir au Brésil. Et 50 ans plus tard, il y a Bernard Pivot qui l'interroge chez lui, tranquille, et l'académicien maintenant. Et il lui dit, Monsieur Claude-Henri Lévy, alors, vous repartez en Inde bientôt? Non, vous repartez au Brésil. Il a dit, non, jamais. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Partir en Brésil 6 heures d'avion, 7 heures d'avion, ça ne m'intéresse pas. Pour faire quoi? Là-bas, sur le bateau, on mettait des mois, des semaines, et on voyait petit à petit, heure après heure, la nature se réveiller, on voyait la chaleur qui commençait sur le pont le matin. La veille, on avait froid quand on prenait le petit déjeuner là, maintenant le matin, il faisait chaud. Ça commençait on sentait les différentes senteurs. C'est extraordinaire, c'est en avion, c'est ridicule. Ben, c'est ça, mais il faut. Est-ce que l'humanité va retrouver ça? On est complètement passé à côté de la plaque. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'on peut aussi introduire l'idée de nomadisme et de sédentarité. Dans le sens où on est dans une société qui favorise de plus en plus le nomadisme, le tourisme de masse, les voyages, etc. Et que revenir à une vie sédentaire, une relocalisation, peut aussi contribuer à inciter les gens à délaisser la voiture, me semble-t-il. Merci. C'était pas grand chose, c'était juste pour insister sur ce que je crois que c'est Enro qui a dit tout à l'heure sur la publicité en fait pour la voiture, parce que je pense que c'est un bon axe à attaquer. En fait, on a réussi quand même à interdire des publicités pour certains produits, et donc ça serait, à mon avis, ça va être beaucoup beaucoup plus dur, mais je me dis qu'il faudrait avoir, enfin, c'est un des axes à attaquer en fait, à essayer de faire admettre que non, c'est pas bon de construire des voitures pour personne, et que du coup, comme c'est pas bon, bah on doit pas montrer ça en publicité. Comme on a réussi pour d'autres trucs, à mon avis, c'est plus dur, j'en suis conscient. Mais et d'autant plus que la publicité pour la voiture, c'est un budget énorme en fait. Et il y a enfin, c'est là où c'est quasiment les meilleures pubs, même pas que la pub, au niveau de la fabrication en fait, l'obsolescence programmée. Il y a aussi l'obsolescence programmée par le design en fait. Et donc en fait, il y a tout un truc. Enfin, je vous invite à aller voir des vidéos qui expliquent très bien, mais d'Horizon Ghoul par exemple, Hacking Social, tout ça. Et en fait, où c'est le design est programmé pour être obsolète. Et donc, on a toujours l'impression d'avoir des belles voitures. Ah, celle-là, elle est récente. Ah, celle-là, elle est neuve. Et en fait, c'est juste des courbes qui modifient. Ils étudient tellement ça pour que nous, on ait l'impression que ça soit neuf, nouveau. Alors que s'ils veulent, ils font une voiture triangle demain. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais c'est tout une manipulation du cerveau depuis de nombreuses années. Voilà. Donc la pub, je pense que c'est un bon axe à attaquer. Hein. Carlos Ghosn, si tu nous écoutes. Oui, sur la question du temps et des voitures, y a quand même ce que tu as dit tout à l'heure, Sylvain. C'est-à-dire que on peut appeler à l'arrêt de la production des voitures et autres, mais après il y a toute la question des travailleurs, des gens qui sont dans les usines et quand on arrête une usine, ils sont capables de se mobiliser et de faire quelque chose d'assez dur. La question du temps. Une fois de plus, c'est pas toute l'humanité qui a un problème avec le temps. On peut aller dans plein de régions du monde, les gens ils ont un rapport au temps qui est totalement différent à celui qu'on a en France. Et je pense que ça fait partie des grandes expériences à faire quand on voyage, c'est aller vivre. Il n'y a même pas forcément besoin d'aller en Afrique, au fin fond de l'Afrique ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important quand on voyage. De changer en fait réellement de temps et puis de voir des gens qui fonctionnent différemment mais aussi des personnes qui travaillent parce qu'il y a ça aussi hein, c'est pas seulement les gens qui font la sieste, qui sont sans emploi ou qui sont en vacances qui ont un rapport différent au temps. Il y a des gens très actifs qui bossent beaucoup mais qui ont quand même un rapport vachement différent au temps et puis je pense que c'est une question extrêmement importante, la question du temps. Pourquoi ? Parce que y a la question du temps de travail, qui je pense qui est un vrai sujet de débat et sur lequel on devrait travailler, on devrait discuter un peu plus. Et puis en référence musicale, moi j'ai une chanson qui me revient à l'esprit. Alors elle est beaucoup plus vieille que celle que tu as donnée. C'est un dub poète anglo-jamaïcain qui s'appelle Lekaji, qui a une chanson qui a sorti un album avec une chanson qui s'appelle More Time. Je vous invite à l'écouter, LKJ More Time. Et il parle de tout cela et c'est vachement bien dit. Tu as parlé un moment sur la question, est-ce que si on ferme les usines, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des travailleurs, etc. Et je voulais rebondir sur ça, mais après, effectivement, tu as redit que il faut voir le temps, réviser le temps du travail. Et je voudrais ajouter qu'effectivement, quand une usine ferme aujourd'hui pour délocaliser, par exemple, on reste dans le même système capitaliste, effectivement, les gens se retrouvent dans la rue, ils n'ont pas à manger, etc., c'est difficile. Mais lorsqu'on pense à une transition, c'est ce qu'on disait avant, une transition générale vers un mode de vie différent, et notamment écologique, là, on peut imaginer que ces gens-là se retournent plus vers la nature et plus vers des emplois qui sont différents. Mais donc, ils peuvent arriver quand même à vivre. Mais ça nécessite vraiment de changer de société. Et c'est ça qu'il faut essayer à pousser pour évoluer vers cette direction, nos idées. Et pas juste, effectivement, fermer une usine. Aujourd'hui, là, ça pose problème. Mais si ça se passe dans un cadre différent, ça pourrait être très positif. Alors pour ceux qui nous rejoignent, donc on est sur la boîte à questions des Duc Pop et la question c'est comment convaincre les gens d'abandonner sa voiture, et on a légèrement dévié sur le temps. Légèrement. Ok, t'es le prochain. Pour faire un lien avec Lévi-Strauss et avec l'intervention concernant les autres rapports au temps par rapport aux autres civilisations, ce que nous apprend Lévi-Strauss, c'est que en fait, lui qui est un des pères du structuralisme, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle les sociétés archaïques ou les sociétés primitives ne sont en rien inférieures aux sociétés modernes, parce qu'il y a également en eux de la complexité. Et par rapport à ce problème de la voiture, je pense qu'il y a aussi un arrière-fond religieux, voire métaphysique, qu'il faut penser. Et là, on peut s'inspirer des sociétés dites archaïques, qui ont un rapport, par exemple, à la nature, avec le concept de Gaïa. Et ça, je pense que... Parce que en fait, la question dans la question, c'est ça. C'est comment protéger la nature. Et donc, on pourrait aussi se demander comment construire une nouvelle éthique dans laquelle on rendrait sacré en fait la nature et où on aurait un rapport à le sacré redeviendrait dans l'immanent. Voilà, ça serait cette idée-là un petit peu de rendre la nature sacrée en fait. Et le problème, c'est que les religions aujourd'hui, les grandes religions mondiales, qui sont essentiellement d'ordre du monothéisme, quand elles ont surgi, il n'y avait pas de problème d'écologie. Et donc, dans leur valeur sacrée, l'écologie, souvent, est malheureusement pas une priorité. Et donc, aujourd'hui, il faudrait peut-être réinventer du spirituel et penser, justement, une nouvelle sacralisation qui passerait par la nature et par Gaïa. Et peut-être que par là, on pourrait construire une économie dans laquelle les gens abandonnaient la nature pour des raisons religieuses. Parce que ça porterait atteinte au sacré. Oui, juste sur la problématique du temps avec l'écologie, on a l'économie d'un côté et l'écologie, la nature de l'autre. Et l'économie, elle est calquée sur un temps mathématique. C'est une droite avec des instants qui sont toujours les mêmes, d'accord ? On peut regarder les instants sur une droite mathématique. Les instants dans le passé, dans le futur, c'est exactement les mêmes. Dans le présent, c'est les mêmes. C'est des instants, quoi. Ils sont égaux. Alors que dans le réel, c'est pas ça du tout, quoi. La nature, dans le temps écologique, c'est pas ça du tout. Et il est là le problème. On est dans des, avec l'économie, on peut tabler sur des croissances infinies, puisqu'on est dans des logiques mathématiques, alors que le réel, lui, il est pas, la Terre, elle est pas infinie. Et pour revenir au passé et au présent, le temps de l'écologie, quand on détruit des espèces, bah, après, elles reviennent plus, on peut pas les refaire, hein. C'est pas comme dans les mathématiques, quoi. Les instants, ils sont pas égaux, justement, quoi. Et il est là tout le problème, quoi. C'est qu'on est en train de créer, on est dans une, l'homme, il est dans une espèce de délire économique, mathématique qui en fait n'a rien à voir avec le réel, puisque quand on détruit des espèces, quand on détruit la nature, bah après, elle disparaît à jamais, quoi. On peut pas la faire réapparaître, quoi. C'est pas des mathématiques, quoi. Voilà. Il y a deux personnes avant, Ulysse. Donc, dans ce concept, puisqu'on arrivait sur le concept du temps par rapport à la voiture, je voulais faire un parallèle avec une terminologie d'André Leroy-Gourhan, qui est un archéologue français, qui parlait de société pré-industrielle, proto-industrielle et industrielle. Une société pré-industrielle, bah, c'est ce que tu disais, décrit bien souvent comme des sociétés primitives qui n'ont rien de primitive, où le travail se fait à la force du poignet, les déplacements se font au pas de l'homme ou de l'animal, et comme tu disais tout à l'heure, où les gens prennent le temps de faire les choses et ont un rapport au temps qui est très différent d'une société industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, où le véhicule est justement devenu, ce que quelqu'un disait tout à l'heure, un facteur de vitesse. Et revenir sur une société, abandonner cette notion d'industriel pour repasser sur une notion, on va dire peut-être post-industrielle, ou revenir à un proto-industriel pour faire les choses plus calmement, plus paisiblement, ce serait peut-être une solution. Oui, juste prenons l'exemple de nos grands-parents agriculteurs qui vivaient vraiment le matin, ils se levaient et ils faisaient les choses en fonction de la nature avant. Et on l'a peu perdu, ça. Dans toutes les interventions, que ça soit écologiste ou pas écologiste, on a tendance à dire l'homme d'un côté, la nature de l'autre. Il faut savoir que l'homme, ou la femme même, tout le monde, on fait partie de la nature, quoi. Il n'y a pas d'un côté l'homme, de l'autre la nature, c'est un tout, quoi. Et si on n'arrive pas à comprendre la globalité du truc, on va dire oui, il faut sauver la nature, il faut sauver la planète, mais c'est nous, quoi. Il fait quoi le modérateur là? Oui, ce que tu as dit là, c'est exactement, il faut faire ça. Il faut passer par là, cette industrialisation nouvelle. Dans le temps, les Indiens d'Amazonie, avant de couper un arbre, ils faisaient une prière pour s'excuser avant, dans leur légende. Maintenant, on déforeste les arbres à tour de bras, on s'excuse plus, hein, c'est fini, hein, c'est incroyable. Et les Indiens ont vécu des dizaines de millénaires dans la forêt vierge, sans aucune pollution, sans rien. Ils n'ont laissé aucun déchet derrière eux, rien du tout. Alors que l'homme, actuellement l'homme blanc, parce que le plus grand criminel de tous les temps pour moi, c'est l'homme blanc, et ben, il est en train de tout raser, tout saccager. Et comment il va falloir bientôt empêcher ça, oui, oui. Il va y avoir un mouvement écologique planétaire qui va venir un jour et ça va chier, c'est moi vous dire. Hein. Bonjour en fait à tout le monde. En fait oui, je suis en train d'écouter ça avec en même temps énormément de questions qui va dire qui des questions qui dorment et des questions qui se réveillent par rapport à tout ça, parce que je suis en train de me dire qu'aujourd'hui on parle de tout ça, de tout ce qui est écologie, de tout ce qui est la planète, se dire tout simplement protéger les arbres qui sont autour de nous, de se dire faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à la surproduction, parce qu'il y a une surproduction, c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays aujourd'hui, et de jeter à mort. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui on réponde réellement à la réelle question de savoir notre économie, où est-ce qu'elle va au niveau de cette question-là. Est-ce qu'on a besoin de manger autant? Moi je sais que personnellement je mange que le soir, je mange pas le midi, je mange pas le matin, tout simplement. Donc moi la viande, puis la viande j'essaie d'en manger on va dire deux fois par semaine, ça me convient très bien. Et sinon je mange des légumes, ça me convient très bien aussi. Mais en même temps on parle d'écologie, on parle de biodiversité, on parle de refaire une planète propre. Et je pense qu'à mon avis c'est ça aussi le sujet, de faire une planète propre, c'est de se dire comment je vais faire en même temps pour arriver à me dire je vais manger, non seulement je vais manger, je vais me laver, je vais laver mes fringues, je vais utiliser ma voiture comme je l'ai entendu tout à l'heure, parce que la voiture aussi, ça faut peut-être un petit peu en parler aussi, qui défonce complètement le système écologique on va dire de la planète. La bagnole, si vous savez, une voiture aujourd'hui qui est complètement polluante, il faut savoir combien elle dégage de CO2 dans l'atmosphère, c'est un truc de malade. Alors que on a foutu des voitures électriques que personne ne veut acheter. Pour quelle raison? Ça coûte moins cher. Bien évidemment, ça coûte moins cher, la voiture coûte moins cher. Bien évidemment, c'est écologique. Mais en même temps, ce qui va coûter moins cher, ça va être à l'État. Ça va leur rapporter beaucoup moins à l'État. Donc en même temps, voilà, j'aimerais bien qu'on se pose vraiment les vraies questions là-dessus. Si on parle d'écologie, qu'on parle réellement d'écologie. De l'écologie de la planète. Ça veut dire que notre consommation, déjà en premier, notre consommation au niveau des véhicules, de savoir, il y a énormément d'électrique, on peut faire avec l'électrique. Il n'y a pas de problème avec l'électrique. L'électrique, ça pollue pas. Ça pollue pas l'électrique. Donc, non mais voilà, c'est moi ce que je... D'accord, voilà. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on essaye en même temps de parler de choses réelles. Pas de parler pendant 3 heures, de se dire voilà machin, il y en a un qui a dit machin un jour ceci cela. Non, qu'on parle pas de livres machin, qu'on parle de choses réelles. Voilà, merci. Alors, juste point technique, à éducation populaire on peut parler de ce qu'on veut, hein. Juste encore la liberté de parole, c'est sympa. Oula, c'est vrai, on m'a dit de pas toucher le fil. Ouais, on apprend tous les jours à des vocations éducatives. C'est lequel le prochain? T'étais le deuxième, excuse-moi. Ben, comme pour venir au concret, moi je vois sur mon lieu de travail, j'ai un collègue qui venait en voiture et maintenant il vient en vélo électrique. Et il y a la mairie de sa ville qui subventionne 50% du prix d'achat du vélo électrique. Alors je sais que ça reste de la pollution, mais concrètement, c'est un truc qui, à mon avis, fonctionne plutôt pas mal. Alors voilà, donc une idée. Et par contre, je voulais revenir tout à l'heure, il avait été dit donc deux choses où j'étais pas tellement d'accord. Première chose, c'est qu'on disait l'homme, on distingue l'homme de la nature, mais en fait l'homme, il fait partie de la nature. Moi personnellement, pour moi l'homme reste un mystère. Si vous me demandez qu'est-ce que l'homme, je serais incapable de vous répondre. Pour moi, ça reste un mystère. Et en ce sens, il a une responsabilité particulière sur la Terre qui fait que pour moi, je ne sais pas et je pense qu'il faut que ça reste un mystère. Donc, voilà. Et puis par rapport à la question de l'homme blanc qui serait responsable de la pollution, etc. Bon, ça aussi, c'est vrai que moi je partage pas trop cette entre guillemets bouc émissarisation ou désignation d'un coupable. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, je pense que c'est pas comme ça qu'on va avancer et qu'au contraire, faut aller vers par un chemin qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus convaincant et pacifiste. Donc moi, c'est juste pour répondre à la personne qui a parlé de la voiture et qui dit qu'on devrait s'intéresser à la voiture. Il se trouve qu'elle a pris le train en route, on a fait parler que de ça, quoi. Voilà, c'était juste pour lui dire, quoi. Sinon, je voudrais répondre aussi à l'argumentation qui dit que l'homme, il serait différent de la nature, etc. En fait, le problème, il n'est pas là. Évidemment, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, précédemment. L'homme, c'est un mammifère comme les autres animaux, donc voilà, il est bien sûr qu'il fait partie de la nature. Il se trouve que par contre, il a développé ce qu'on appelle un langage. Il a développé un langage qui lui a permis de s'extraire un peu de la nature et de construire des choses et de produire des choses. En fait, le problème, c'est pas l'homme en lui-même, c'est ce qu'il produit, c'est ce qu'il construit. Et c'est là où il détruit la nature, voilà. Où là, oui, il devient un problème. Ouais. Et il arrive même à il s'extrait de la nature, il arrive même à vivre plus longtemps, à éradiquer des maladies, etc., etc., donc à se reproduire beaucoup partout sur la planète, etc., à faire plein de déchets, etc. En fait, le problème, il est là. Le problème, c'est pas l'homme en lui-même qui est un mammifère comme les autres animaux. Le problème, c'est ses productions, c'est ses constructions. Voilà, c'était juste pour faire cette remarque. Merci. Juste, alors attendez, parce que j'avais un tour de parole, et je sais plus si après quelqu'un avait, alors j'ai Ulysse, mais il y avait, et après je vous laisse la parole à vous deux, il y a pas de souci. Oui, non, mais à éducation populaire, c'est chacun notre tour en fait. Voilà, t'inquiète, tu vas pouvoir parler. Bon, je suis un peu de l'opinion qu'il faut rester dans l'idée de la voiture, puisque emblématique. Pourquoi on est arrivé à la voiture? Pourquoi, à un certain moment, l'homme a décidé, l'être humain, disons, a décidé de développer la voiture comme moyen de transport et le côté automatique. Ce côté automatique est invasif, disons, de la société actuelle et l'automatisme de la voiture, ça nous amène très très loin. Il y a par ces mécanismes des mouvements recréés par un engin. Cet engin se retourne vers l'homme et l'homme est en train de perdre les moyens que lui a donné la nature de se développer, de vivre un certain bien-être, disons, et surtout d'être constructif. Avec le développement de la voiture, on a évité tout l'aspect della fatica di lavoro che non è negativo ma positivo e molti aspetti requisiti per delle ragioni culturali come il lavoro manuale e altri hanno sviluppato la meccanizzazione. Questa meccanizzazione, la voiture è l'emblema le più importante e l'automatismo di lavoro dalle entreprise on se souci des entreprises qui ferment, des usines qui sont destinées à être fermées, etc. Et on ne se rend pas compte que est là le problème de la mécanisation. Et qu'on peut difficilement changer les choses s'il n'y a pas un changement de mentalité, un changement de point de vue de la réalité de l'homme dans l'histoire. Voilà, merci. Alors, comme je me suis engagé, je vous laisse répondre, messieurs. Pas toucher le fil. Juste 19h arrive, donc ça va être vraiment les derniers tours de parole, puisque après, la journée se finit. Mais demain, ça continue, hein, me regarde pas comme ça. Hein. On revient. Comme vous voulez. Tout à l'heure, je parlais du concept de société industrielle. La société industrielle, elle a émergé en Europe au 19e siècle. Elle, ses prémices dataient du siècle précédent, mais elle a vraiment émergé au 19e siècle et a permis aux bénéficiaires de cette industrialisation d'évoluer, d'avoir l'impression d'évoluer plus vite que la nature. Et donc l'industrialisation a donné l'illusion aux hommes de pouvoir s'affranchir de la nature. Aujourd'hui, qu'on est à un point de non-retour d'un point de vue écologique, on se rend bien compte que c'est faux. Et oui, il va y avoir du boulot pour changer les mentalités. Et donc moi, je voulais juste dire, par rapport à ce qu'a dit mon cher collègue juste en face qui est assis, que non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on se dise voilà que non, la voiture, on peut largement s'en passer. Rien que dans une ville comme Paris, dans toutes les villes de France, on peut largement se passer de Paris. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non. Oui, non, vous avez pas compris. Non, c'est pas grave, c'est moi. Et en même temps, j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir en même temps comme un système, comme a fait l'Angleterre, de se dire, pourquoi pas faire un péage, justement, de toutes les voitures qui viennent dans Paris, tout simplement. Toutes les personnes qui vont venir avec leur bagnole, qui sont polluées à mort, parce qu'il y en a 36 000, ils ont essayé de faire un plan, justement, par rapport à ça, de toutes les bagnoles polluantes, quand vous voyez les voitures, dès qu'elles démarrent au feu vert, il y a une quantité énorme de fumée qui sort derrière le pot d'échappement, ça vous en prenez plein la gueule. C'est Paris, des fois, quand il fait chaud, c'est irrespirable. J'ai vu ça cet été. C'est irrespirable, Paris. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on pose un petit peu la question sérieusement d'écologie et de se dire, est-ce que l'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'écologie, c'est de se dire, on va faire en sorte le citoyen qui est à côté de moi, il vive bien. Il respire bien et il mange bien. Voilà, c'est ça pour moi l'écologie. C'est pas une question de parler pendant trois plombes, de savoir c'est quoi l'écologie. L'écologie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on bouffe, de savoir je vais jeter comme déchet. Est-ce que je suis capable de me dire, je vais faire du tri. Je vais faire du tri au niveau de mes poubelles, de dire le carton, ça va avec du carton. Ma merde, ça va être dans un sac poubelle, tout simplement. Hein? Et de se dire, les bagnoles, c'est exactement la même chose. Les bagnoles, on peut se passer de bagnoles dans Paris. Les gens ne veulent pas se passer de leur voiture. Combien de fois j'ai entendu dire, en disant des mecs qui me disaient, ma bagnole, c'est encore pire que ma femme. Je la respecte encore mieux, ma bagnole, que ma femme, quoi. Je la nettoie, ma bagnole. Ma bonne femme, je la nettoie pas. Bah oui, mais ça, en même temps, faut le dire, ça aussi. Hein, combien de fois je l'ai entendu, ça? Donc aujourd'hui, il faut peut-être reprendre un petit peu une question de se dire, hein, la bagnole, c'est pas indispensable. Hein, si les gens se passaient de leur bagnole et prenaient les vélos, hein, il y a des Vélib, il y en a 36 000 des Vélib dans Paris. Hein, il y a des voitures écolo, hein, il y a des voitures Vélib. Hein, si on prenait un abonnement juste pour prendre la voiture, eh ben, on prend des voitures Vélib. On prend des vélos, hein. C'est pas plus beau Paris, hein, à vélo, comme disait une certaine personne qui le chantait, hein. Mais je même vous le sentez en même temps. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. En vélo, à Paris, on dépasse les taxis. Voilà. Bah oui, mais en même temps, voilà. Mais cette personne, c'était des années 60, des années 60. Cette personne, elle a sorti ça comme ça des années 60, cette chanson. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est pas uniquement pour rigoler qu'elle a sorti ça, cette personne. C'est parce qu'il y avait tellement de pollution dans Paris. Les gens voyaient même pas à 2 mètres, tellement ça y avait de fumée et compagnie, qu'aujourd'hui on continue à se poser la même question. Donc voilà, elle est là l'écologie. Alors, une petite conclusion avec, après avoir fait ton... Ou alors nous on conclut, hein, comme tu veux. Il y a encore... Je vais être très synthétique. En fait, le problème de faire des taxes sur les voitures et d'empêcher les voitures d'entrer dans Paris, c'est que ça va impacter les plus pauvres d'entre nous. C'est-à-dire les gens qui sont en banlieue, qui habitent en banlieue, qui viennent travailler à Paris en voiture. C'est souvent les plus pauvres, c'est souvent les gens qui ont des voitures les plus polluantes et c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais, le train, le métro, comment tu dis à quelqu'un de prendre le RER le matin qui pue et tout, alors que les gens dans Paris, ils ont des bagnoles confortables et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème de... Voilà. Les gens qui habitent dans Paris sont beaucoup plus aisés que ceux qui habitent en dehors de Paris. Alors oui, ils peuvent prendre le Vélib, ils peuvent prendre tout ça. Mais les gens qui habitent en dehors de Paris, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat et c'est pas du tout une bonne idée de faire une taxe. Ok, dernière réponse, hein, parce qu'après ça va faire dialogue et les dialogues à EduPop, on n'est pas super fan. Donc en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord à ce que tu viens de dire, mais en même temps, la mairie de Paris, je parle bien de la mairie de Paris, devrait mettre en place justement un système, parce que quand je vois aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, qui prennent des cartes, par exemple, comme j'ai là. J'ai ça. Ça coûte combien, ça? Par mois, ça coûte 73 euros. Ça a augmenté. Voilà. Ça a augmenté, ça. Ça a augmenté, ça. 73 euros par mois. Pour des gens qui viennent bosser sur Paris et que c'est Paris intramuros. Hein, c'est au niveau des banlieues aussi, que ça soit Saint-Denis, machin, Montreuil, et j'en passe. Il y en a plein qui ont le Pass Navigo qui leur coûte 73 euros par mois, plus de 70 euros par mois. Ça fait beaucoup quand même pour un pass d'un mois. Ça fait énorme quand même. C'est énorme pour quelqu'un qui touche que dalle dans sa vie. C'est quand même énorme ça d'avoir une espèce de truc comme ça qui te permet de pouvoir aller de travailler dans tout Paris en étant écologique, encore en plus, parce que t'es écologique, tu n'utilises pas de voiture, ou sinon tu utilises ton vélo. Mais plus de 70 euros par mois, ça fait combien? Si on fait le calcul en francs, ça fait combien ça? Ça fait plus de... 6 fois 7, 42, ça fait 420 balles. Ça fait plus de 500 balles, une carte à la con, pour se travailler en Paris, pour aller bosser. C'est quand même dur, ça, quand même, d'accepter. Moi, pour moi, ça me fait dur, là. Ça me fait chier, moi, de pouvoir être obligé de payer 73 euros. Et en même temps, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui continuent d'utiliser leur bagnole. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé la solution de se dire... d'expliquer aux Parisiens de se dire... Non, mais je finis. Je termine. Tant qu'on n'aura pas essayé de pouvoir dire aux Parisiens utiliser les transports en commun, mais avec un prix abordable, tout le monde pourra avoir accès justement à cette fameuse carte Navigo. Tout le monde pourra prendre les transports en commun. Tout le monde pourra utiliser et sans n'utilisera même pas sa bagnole. On n'a même pas besoin de bagnole. À partir du moment où on a un prix raisonnable. À partir du moment où, au niveau des revenus de chaque personne, c'est pas avec un RSA qu'on va pouvoir avoir, souvent, avec un RSA, quelqu'un qui touche 400 euros net par mois, non mais 424 euros net par mois, on va pas lui demander, non mais arrêtez de me dire comme ça, il faut y aller. Ben oui, mais il faut parler les choses, il faut parler les réelles choses, non? Et le truc c'est que quelqu'un qui touche 424 euros par mois, lui demander de payer 70 euros une carte vermeille, parce que même les vieux ils payent la peau du cul leur carte pour se déplacer dans Paris. C'est quand même énorme de voir ça. 73 euros maintenant pour des gens qui touchent même le RSA, qu'on leur donne même pas le droit. Si c'est gratuit pour les gens qui touchent le RSA, tout le monde se met au RSA alors. Hein? On se met tous au RSA. Mettez-vous tous au RSA alors. Vous aurez votre passe gratuit. Voilà, pour la RATP, tout simplement. Non, mais là vous êtes à éducation populaire, on n'est pas dans une AG ouvert à tout le monde, c'est pas possible. HTPNL dans la légende, le 16. Ouais, bon, PNL c'est de la merde, non mais. Juste pour repréciser, moi je paye 70 euros, mais je travaille pas à Paris, donc il y a aussi les gens qui travaillent en banlieue et qui payent la carte. Donc voilà, la parenthèse est finie. On parlait donc de comment quitter sa voiture. Bon, on en est venu au transport, on va essayer de conclure. Je vais te laisser la parole et après on va conclure. Une dernière idée, on va proposer aux gens de s'intéresser à Épicure et à lire Épicure, parce qu'Épicure nous dit dans la vie, il faut se suffire des choses nécessaires et qui ne sont pas nuisibles. Et la voiture est quelque chose qui n'est pas nécessaire, on peut s'en passer, et qui est nuisible. Merci pour ce moment de petite douceur après une tempête. Merci, il n'y a plus grand monde. Merci à vous d'être restés. Merci encore pour cette journée spéciale sur l'écologie. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci d'être venu, d'avoir proposé des questions. Donc on est là demain de 15h à 19h. On va...